Chapitre 31. Bonheur de Geneviève. Geneviève passa un heureux après-midi. Le retour inattendu de son amie d'enfance, qu'elle ne croyait pas revoir avant l'automne, avait effacé, en partie, le souvenir de son triste séjour chez son oncle. Une seule inquiétude troublait sa joie. Ce voyage de Rome, qu'elle avait désiré et attendu avec impatience, la séparerait encore de Jacques. « C'est mon seul ami, disait-elle, le seul confident de mes pensées, de mes joies, de mes douleurs. Ma cousine Primerose, malgré sa bonté, son indulgence pour moi, ne m'inspire aucune confiance sous certains rapports. Sans Jacques, je me sens isolée comme si j'étais seule au monde. Et puis j'ai peur de ce méchant Georges, de mon oncle, qui s'est mis dans la tête de faire passer ma fortune à son fils. Je l'ai bien vu, bien compris pendant mon séjour à Plaisance. Si Jacques était avec moi, je n'aurais peur de personne. Il me protégerait contre eux et contre tous. » Ces réflexions l'attristèrent un peu. Elle chercha à se distraire en s'occupant. Elle dessinait bien et faisait très bien des portraits à l'aquarelle. Quand elle eut déballé et arrangé couleurs, pinceaux, papier, palettes, etc., elle regarda la pendule. Il était 6 heures. « Il ne vient pas. C'est singulier. Il sait que nous dînons à 6h30. » Enfin, la porte s'ouvrit et Jacques entra. Geneviève. « Te voilà enfin, mon ami. Je t'attends depuis longtemps. » Jacques. « Depuis longtemps, il est à peine 6 heures. » Geneviève. « 6 heures passées, monsieur, et tu sais que nous dînons à 6h30 ?» Jacques. « Eh bien, je ne suis donc pas en retard. » Geneviève. « Je te trouve toujours en retard, Jacques, quand je t'attends. » Jacques sourit. Jacques. « J'ai beaucoup à faire, ma bonne petite Geneviève. Je ne t'ai pas encore dit que je suis obligée de te quitter dans 15 jours ou 1 mois, pour longtemps et peut-être pour toujours. » Geneviève devint pâle, tremblante. Geneviève. « Partir? Pour toujours? Oh, Jacques, je suis vouée au malheur !» Elle tomba en sanglotant dans un fauteuil. Jacques, très ému lui-même, chercha à la consoler de son mieux. Il s'assit près d'elle. Geneviève, encore affaiblie par sa maladie, n'avait pas la force nécessaire pour commander à ses impressions. Elle continua à pleurer amèrement. Geneviève. « Partir, pour toujours, m'abandonner. Jacques, tu es cruel. » Jacques. « Ma Geneviève chérie, cette séparation ne m'est pas moins cruelle qu'elle ne l'est à toi. Mais le devoir doit passer avant le bonheur. Rome est plus menacée que jamais. » Le Saint-Père Pie IX appelle les chrétiens catholiques pour défendre le siège de la foi. Je me suis engagé dans les oeuvres pontificaux et je dois partir dans 15 jours ou 1 mois. » Geneviève s'était calmée à mesure que Jacques parlait. Quand il eut fini, elle poussa un cri de joie et, prenant à deux mains la tête de Jacques, elle serra contre sa poitrine. « C'est à Rome que tu vas? Oh, bonheur! Mon Dieu, je vous remercie! Jacques, Jacques! Moi aussi je vais à Rome! Nous partirons avec toi. Je ne te quitterai pas. Je serai près de toi. » Ce fut au tour de Jacques de s'extasier sur son bonheur, de témoigner sa joie avec une vivacité qui prouva à Geneviève la tendresse qu'il lui portait. Ils se mirent à faire de beaux projets pour leur voyage, leur séjour à Rome, oubliant que Jacques y allait pour combattre et peut-être pour tomber martyr de sa foi. Mais aucune pensée pénible ou effrayante ne vint gâter leur bonheur du moment. Ils ne cherchaient pas à pénétrer dans un avenir plus éloigné. Pendant qu'ils causaient de la vie charmante qu'ils mèneraient à Rome, Mademoiselle Primerose rentra. Mademoiselle Primerose. « Mes pauvres enfants, je vous ai fait attendre. Je vous demande bien pardon. J'avais tant à courir, tant à parler. » Jacques. « Attendre, pas du tout, chère madame, il n'est pas tard. » Mademoiselle Primerose. « Il est presque 7h30, mes enfants. Vous n'avez donc pas faim ? » Geneviève. « Non, pas du tout, ma cousine. » Mademoiselle Primerose. « Pas faim. Mais qu'as-tu, Geneviève, comme tu as l'air animée ? » Geneviève. « Je crois bien, ma cousine, je suis si heureuse. Figurez-vous que Jacques va à Rome. Il est zouave pontifical. Il part dans 15 jours environ, et nous partirons avec lui. » Mademoiselle Primerose. « Dans 15 jours, c'est bien peu de temps pour mes affaires. Comme vous arrangez tout cela, vous deux ? » Geneviève. « Ma bonne cousine, terminez tout bien vite, je vous en supplie. Voyez quel avantage ce sera pour nous d'avoir en voyage un homme pour nous protéger, vous venir en aide, et un zouave surtout. » Jacques et Mademoiselle Primrose se mirent à rire de l'anxiété de Geneviève et de son air suppliant. Mademoiselle Primrose. « Je tâcherai, ma chère petite, je ferai ce que je pourrai, je vous le promets à tous deux. Mais dînons vite, je meurs de faim, moi. Je n'ai pas, comme toi, un Jacques pour me faire oublier les heures. Jacques, va voir mon ami pour qu'on serve tout de suite. » Le dîner ne tarda pas à être annoncé. Mademoiselle Primrose le trouva un peu trop cuit, mais comme c'était elle qui s'était fait attendre, elle n'osa pas trop s'en plaindre. Les perdreaux rôtis, surtout, la firent gémir. « Quel dommage, disait-elle, de si beaux perdreaux. C'est sec comme une poule bouillie. Pauvre Jacques, je te plains de manger ces bêtes desséchées. Mais c'est ma faute, ils m'ont attendu une heure. » Jacques n'en mangeait pas moins de fort bon appétit. Après dîner, Mademoiselle Primrose demanda à Geneviève ce qu'elle comptait faire de ses couleurs et pinceaux. « Je vais faire le portrait de Jacques, ma cousine. Je tiens beaucoup à l'envoyer à sa mère avant le départ pour Rome. » Mademoiselle Primrose. « Très bien, ma fille, mais Jacques trouvera-t-il le temps de poser ?» Jacques. « En me levant de bon matin pour terminer mes affaires, j'aurai toujours 3 ou 4 heures à donner à Geneviève. » Les choses ainsi arrangées, ils descendirent tous au jardin pour prendre l'air. Ils parlèrent de leur voyage. Il fut convenu que Jacques irait passer 8 jours chez ses parents, qui étaient encore à la campagne, et qu'il viendrait rejoindre Mademoiselle Primrose et Geneviève vers le 5 ou 6 septembre pour se mettre en route le 8, jour de la nativité de la Sainte Vierge, et anniversaire du beau fait d'armes de la prise de Malakoff en Crimée. C'était Mademoiselle Primrose qui avait indiqué ce jour. Le lendemain, Geneviève se leva très gaie après avoir passé une très bonne nuit. Elle alla entendre au couvent la messe avec Mademoiselle Primrose, elle déjeuna de fort bon appétit, et elle se mit à esquisser de mémoire le portrait de Jacques. Pendant qu'elle dessinait, Mademoiselle Primrose se mit à travailler près d'elle. « Geneviève, dit-elle, tu sais que j'ai été voir Madame de Saint-Émar la veille de notre départ. » Geneviève. « Oui, ma cousine. » Mademoiselle Primrose. « Mais je n'ai pas eu le temps de te faire sa commission. Elle m'a chargé de te dire que son fils Louis t'aimait de tout son cœur et qu'il te demandait en mariage. » Geneviève. « Lui aussi, pauvre garçon. Je l'aime beaucoup, il est très bon. » Et Hélène aussi est très bonne. » Mademoiselle Primrose. Alors, accepterais-tu la proposition de Madame de Saint-Émar ? Geneviève. D'épouser Louis ? Certainement non. Mademoiselle Primrose. Pourquoi cela, puisque tu l'aimes beaucoup ? Geneviève. Je l'aime comme un ami que je vois avec plaisir, mais je ne l'aimerais pas du tout comme mari. Mademoiselle Primrose. Tu dis pourtant qu'il est très bon. Geneviève. Certainement, il est bon. « Mais je ne suis pas obligée d'épouser tous ceux qui sont bons. » Mademoiselle Primrose. « Mais Louis n'est pas tout le monde. Il est, comme Jacques, ton ami d'enfance. » Geneviève. « Comme Jacques. Oh, ma cousine, comment pouvez-vous comparer ? Comme Jacques, ce n'est pas du tout la même chose. » Mademoiselle Primrose. « Je ne vois pas grande différence. Il est d'une bonne famille, comme Jacques, joli garçon, comme Jacques, très bon, avec une fortune supérieure à celle de Jacques, t'aimant beaucoup, comme Jacques. » Geneviève vivement. « Tout cela est possible, mais je ne l'aime pas, je ne l'aimerai jamais, et il ne m'aime pas comme m'aime Jacques. Je le vois, je le sens, je le sais. » Mademoiselle Primrose. « Alors tu refuses ? » Geneviève. « Très positivement, et s'il continue à m'aimer trop, je ne l'aimerai plus du tout. » Mademoiselle Primrose. « Oh, oh, comme te voilà fâchée. Tu es rouge de colère. Écoute, je te propose une chose qui me paraît très bien. Parle-en à Jacques, consulte-le, tu te décideras d'après ce qu'il te dira. » Geneviève. Oui, s'il me conseille de refuser. Non, s'il me conseille d'accepter. Mademoiselle Primrose. Mais si tu refuses ainsi de bon parti, tu finiras par rester vieille fille. Geneviève. Tant mieux, je me ferai sœur de charité et j'irai soigner les oies à Rome. Mademoiselle Primrose. Très bien, ma fille, c'est une très belle vocation, contre laquelle je ne lutterai certainement pas. Au reste, voici tout juste notre conseiller qui arrive. Bonjour, Jacques, déjeunes-tu avec nous ? Jacques. Si vous voulez bien le permettre. Mademoiselle Primrose. Avec grand plaisir. Tu manges chez nous, c'est convenu. Je vais voir Pélagie et je reviens.